cible. Gros besoin de ma dose de bande à tous les jours. Ouais, pas de préférence de type quand t'es ma cible. J'suis parti en ville quand j'ai mon c'est pour toujours. T'inquiète pas, on va se marrer. Mais qu'on a qu'une seule vie, tu ne viens pas me parler. Ouais, c'est vrai qu'elle m'a touché quand elle s'est barrée. Maintenant j'ai des fourrailles dans tous les sens, ouais. Oh, oh, oh. Me parle plus cette go. Quand j'ai tout ce qu'il me faut, là je passe à la NASA, j'ai fait dans le top niveau. Elles sont qui sa bouche, elles sont beaux sur TikTok. J'ai vu son temps, elle coule seule. Elle comptait sur mon bif, voulait que la mette en drogue. J'ai plus son temps, elle coule seule. Elles sont qui sa bouche, elles sont beaux sur TikTok. J'ai plus son temps, elle coule seule. Elle comptait sur mon bif, voulait que la mette au top. J'ai plus son temps, elle coule seule. On déboule dans ta mêlée. Mon balai à la cool comme des mêlées. Pour tous tes bluffs de retour et quand j'ai pas le temps, oublie-moi et ton bénéf. J'suis rancunier comme John Rambo. J'ai pas terminé comme dans Django. Tu m'as laissé le cœur en lambeau. J't'avais dans la peau. Tout ce que tu dis, tu vois, ça sonne faux. Me parle plus cette go. Quand j'ai tout ce qu'il me faut, là je passe à la NASA, je fais dans le top niveau. Elles sont qui sa bouche, elles sont beaux sur TikTok. J'ai vu son temps, elle coule seule. Elle comptait sur mon bif, voulait que la mette en drogue. J'ai plus son temps, elle coule seule. Elles sont qui sa bouche, elles sont beaux sur TikTok. J'ai plus son temps, elle coule seule. Elle comptait sur mon bif, voulait que la mette au top. J'ai plus son temps, elle coule seule.